puiser dans mes forces quand j'étais à terre. Point serré devant les adversaires, on se fait la guerre, on a du caractère. Refait le monde avec un pack de bière. Il est 4h du mat quand la BAC débarque et que t'entends des impacts de pierre. Fini la nuit à regarder au loin depuis la coursive. M'imaginer que je peux vivre mes rêves sans que mes cauchemars me poursuivent. J'ai la dalle, ouais, j'ai de l'ambition. J'ai pas attendu que l'intérim m'appelle pour partir en mission, garçon. Mets ce son à fond avant de faire ton coup, je répète. Mets ce son à fond avant de faire ton coup. J'ai des choses à dire, à voir, j'en ai encore beaucoup. Ne pas réaliser ses rêves, c'est vivre avec la corde au cou. Des fois, la vie c'est dingue et j'entends cette voix si lointaine qui me dit profite, t'es pas sûr que t'atteindras la soixantaine. Donc je me réjouis du printemps, je m'amuse de l'hiver. Puis je me dis que je suis pas si mal finalement quand je lis les faits divers. Je suis qu'un messager, chacun sa place dans ce monde de gang, gang. L'homme créa le flingue et j'entendis des bang bang. Mettre ma famille à l'abri loin du bang bang. J'ai grandi dans le route, c'était plutôt gang gang. Chacun sa place dans ce monde de gang gang. L'homme créa le flingue et j'entendis des bang bang. Mettre ma famille à l'abri loin du bang bang. J'ai grandi dans le route, c'était plutôt gang. On a la dalle nous, un passage c'est beau quand ça passe. Un peu plus embarrassant quand ça casse. J'ai la dalle, je rêve de voyager, de voir Caracas. Je suis à deux doigts de réussir, j'entends déjà les maracas. Mais jusqu'ici, j'ai vécu comme un chien à la casse. Si je tombe barré sur un seul coup, je montrais un casque à la classe. Y'a pas de problème, je pourrais monter une équipe de rapaces. Pister un brinks, poser les pains, faire sauter les portes quand ça passe. Mais non, des erreurs j'ai dû en faire. Me tromper de direction et prendre des potes de galère pour des frères. Me lever tous les jours en me disant que mon compte a besoin d'eux. Bouger pour des gens qui bougeront pas quand j'aurai besoin d'eux. Si c'est ça la vie, laissez-moi vivre en autarcie. Réussir en étant intouchable un peu comme Omar Sy. Et même si en quelque sorte on se dit qu'on l'apprécie, on a tous déjà plus ou moins rêvé de vivre une autre vie. Je suis qu'un messager, chacun sa place dans ce monde de gang gang. L'homme créa le flingue et j'entendis des bang bang. Mettre ma famille à l'abri loin du bang bang. J'ai grandi dans le route, c'était plutôt gang gang. Chacun sa place dans ce monde de gang gang. L'homme créa le flingue et j'entendis des bang bang. Mettre ma famille à l'abri loin du bang bang. J'ai grandi dans le route, c'était plutôt gang gang.